Alors, je donne maintenant la parole à Madame Marianne Molinaire-Dubos, qui est maître de conférence en droit public à l'Institut de droit de l'environnement de l'Université de Lyon 3. Alors, vous allez nous parler, est-ce que c'est un processus ou un concept, je ne sais pas, du mécanisme pour un développement durable tel qu'il est prévu dans l'accord de Paris? C'est un des points clés d'ailleurs de l'effectivité, de l'efficacité de l'accord. Panel d'initiatives de coopération qui pourront être bilatérales ou multilatérales y compris le mécanisme pour le développement durable, seul mécanisme de projet explicitement créé par l'accord de Paris. L'article 6.4 remontrera dans une première partie toute l'étendue de la proximité de ce mécanisme pour un développement durable et du mécanisme de développement propre, du MDP, ce qui justifiera de présenter dans une seconde partie les enseignements tirés de l'expérience acquise du MDP pour que soit réussie sa transplantation dans le régime issu de l'accord de Paris. Tout d'abord, première partie, le MDD est-il un MDP 2.0? La comparaison du MDP et du MDD fait ressortir très peu de différences. Pourquoi ? On va commencer par elle. Alors la première différence, elle est de taille, puisqu'il s'agit du périmètre du mécanisme. En effet, du fait de l'abandon de la bipolarisation que j'évoquais il y a un instant, le MDD sera universel et pourra permettre aussi bien des projets nord-nord, comme la mise en œuvre conjointe, que des projets nord-sud, comme le MDP, ou encore, ce qui est pour le coup novateur, des projets sud-sud. A l'inverse, la seconde différence, elle est si mineure qu'elle passerait presque inaperçue, c'est la dénomination du mécanisme. Donc, c'est un mécanisme de développement durable et non pas un mécanisme de développement propre. À noter que le terme propre dans le protocole de Kyoto était mis entre guillemets. Donc, la portée de ce changement de nom est sans doute réduite à la nécessité tout simplement de distinguer les deux mécanismes, puisque le MDP relève du protocole de Kyoto et que le MDD relève de l'accord de Paris. Alors, sur le fond, en tout état de cause, le développement du propre du MDP se référait bel et bien au développement durable, puisque tel était en partie l'objet du MDP. Cela nous conduit à envisager les similitudes entre les deux mécanismes, puisque la première d'entre elles concerne précisément leur objet. Le MDD, comme le MDP, vise à contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir un développement durable dans une logique que j'appellerais de coopération intéressée. Seul changement, qui est lié là aussi à la disparition de la bipolarisation, le risque de double comptage, qu'il faudra éviter, et l'accord insiste sur ce point, de manière à ce que les réductions d'émissions délocalisées, c'est-à-dire celles qui sont réalisées sur le territoire hôte de l'activité de projet, ne soient pas également comptées comme réalisées sur le territoire de l'État investisseur. En second lieu, les deux mécanismes exigent une participation volontaire approuvée par chaque partie concernée. Et ils obéissent tous les deux à des principes directeurs identiques. Intégrité environnementale, additionnalité, certification des réductions d'émissions et enfin retombées bénéfiques à long terme, réelles et mesurables. Troisième similitude, le MDD et le MDP sont l'un et l'autre placés sous l'autorité de la COPMOP et supervisés par un organe ad hoc. Le protocole de Kyoto avait créé un organe ad hoc, il a dénommé Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre. L'accord de Paris, lui, ne fait qu'annoncer la création, la désignation par la COPMOP d'un organe qui sera chargé de superviser le MDD. Enfin, le MDP et le MDD ont en commun le prélèvement d'une part des fonds qui seront issus de la réalisation de ces activités pour financer d'une part les dépenses administratives, d'autre part et surtout pour financer l'adaptation dans les pays en développement particulièrement vulnérables aux effets adverses des changements climatiques. Peu de différences, beaucoup de points communs, quelques incertitudes. La première concerne l'admissibilité a priori des projets d'absorption dans le MDD. Projet d'absorption entendu comme projet de boisement et de reboisement. Rappelons que le MDD devra, je cite, contribuer à la réduction des niveaux d'émissions dans la partie haute, qui bénéficiera d'activités d'atténuation donnant lieu à des réductions d'émissions. La question que je me suis posée, c'est s'il fallait interpréter ces derniers termes, donnant lieu à des réductions d'émissions, comme excluant les projets des activités d'absorption. Certes, à proprement parler, les projets d'absorption ne donnent pas lieu, contrairement à la déforestation évitée, à des réductions d'émissions. cela étant, il s'intègre néanmoins dans une démarche d'atténuation, puisqu'il capte et séquestre le carbone atmosphérique. Qui plus est, c'est ce qui me paraît le plus convaincant, l'exclusion des projets d'absorption du MDD serait inconciliable avec l'objectif de neutralité carbone, qui a été évoqué ce matin par Marion Lemoine notamment, qui est formulé à l'article 4 de l'accord de Paris. Je rappelle, il faudra parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. Dans ce contexte, les experts prédisent même l'émergence de marchés d'émissions négatives. Je préfère parler de marché de crédit d'absorption, ça me paraît plus clair qu'une émission négative, puisque l'objectif de neutralité carbone va impliquer que non seulement il faudra réduire les émissions, mais que chaque émission créée devra être compensée par une absorption équivalente. Donc, dans ce contexte, on peut imaginer le développement de marchés de crédit d'absorption sur lequel des opérateurs avec des opérateurs spécialisés donc qui fourniront des puits de carbone. On peut imaginer aussi que ces marchés seront entérinés par les États plutôt que d'avoir à acquérir les puits. Alors cette perspective est en réalité assez inquiétante, même si en vérité on la voit quand même bien venir. Elle est inquiétante à deux points de vue. D'abord sur le plan des droits humains, avec le risque de land grabbing qu'on peut évidemment imaginer pour faire des puits de carbone, faire pousser des puits de carbone plutôt que des cultures à usage alimentaire. Et le deuxième risque d'ordre environnemental, entre autres, qui pourrait consister donc à développer des monocultures industrielles de certaines plantes qui poussent très vite et donc qui auraient un taux d'absorption important, voire même de plantes génétiquement modifiées dans ce but. Seconde incertitude, elle concerne la nature du MDD. Est-ce, comme le MDP, un mécanisme de marché? On a un certain nombre d'éléments qui plaident en ce sens. D'abord, tout simplement, la structure même de l'article 6 de l'accord de Paris. Cet article 6, il distingue, je le disais tout à l'heure, les démarches concertées passant par l'utilisation donc, de RATNI pour réaliser les contributions nationales, au nombre desquels le MDD. Et d'autre part, il distingue les démarches non fondées sur le marché, pour lesquelles un cadre ad hoc sera ultérieurement défini. Donc, ces démarches non fondées sur le marché, elles seront régies par des principes qui leur seront propres, qui sont énoncés au paragraphe 8 de l'article 6. Promouvoir l'ambition en matière d'atténuation et d'adaptation, renforcer la participation des secteurs publics et privés à la mise en œuvre des contributions nationales, et faciliter les possibilités de coordination entre les instruments et dispositifs institutionnels pertinents. Les démarches concertées, elles, devront répondre à d'autres principes qui leur sont propres, énoncés dans deux autres paragraphes, les paragraphes 2 et 3, qui sont très différents. Revêtir un caractère volontaire, être soumise à l'autorisation des parties participantes, promouvoir le développement durable, l'intégrité environnementale et la transparence, et appliquer un système fiable de comptabilisation. On peut aussi évoquer comme indice du caractère mercantile du MDD la circonstance qu'une part des fonds précisément sera destinée à financer l'adaptation dans les parties en développement particulièrement vulnérables aux effets négatifs, néfastes du changement climatique. Ce qui signifie, à mon sens nécessairement, que les RACNI seront monétarisables. Il paraît peu pertinent de faire d'un mécanisme qui serait non marchand, et donc par hypothèse non rentable, une source de financement de l'adaptation. Dans le même ordre d'idée, on peut aussi noter que le MDD est censé, comme le MDP, promouvoir et faciliter la participation à l'atténuation des gaz à effet de serre d'entités privées. Or, la privatisation est le signe le plus sûr du caractère marchand du mécanisme, puisqu'il implique des investisseurs qui n'ont pas vocation en principe à engranger des pertes. Un dernier indice se trouve dans le fait que la décision 1CP21 recommande à la COPMOP de tirer expérience et enseignement des mécanismes existants. Alors certes, le MDP n'est pas expressément cité, mais il est évidemment visé, et d'ailleurs, le conseil exécutif du MDP en a déduit, je le cite, « Il est donc possible dans le cadre la mise en œuvre de l'accord de Paris de transposer le MDP ou d'en tirer les leçons. Or, ces leçons, on va le voir, sont bien amères. C'est l'objet de mon point 2, des leçons amères du MDP. L'expérience acquise avec le MDP a mis en relief deux difficultés majeures. La première qui tient au manque d'intégrité environnementale. Intégrité environnementale qui implique deux choses. Tout d'abord, que les réductions d'émissions qui sont obtenues grâce au projet soient additionnelles. Pour s'assurer que ces activités représentent un progrès réel par rapport à ce qui se serait produit en l'absence d'action, il faut d'abord déterminer un niveau de référence à partir duquel on pourra comparer les réductions obtenues grâce au mécanisme. Or, précisément, l'expérience du MDP a révélé plusieurs cas de surestimation des niveaux de référence, à tel point que, selon le réseau Carbon Watch Market, 60% des URS qui auraient été produites par le MDP correspondraient à des réductions non additionnelles. À ce stade, rien ne permet de penser que la même problématique n'affectera pas le MDD. L'intégrité environnementale, elle implique en second lieu, et ça me paraît également très important, même si c'est assez peu souvent souligné, que les projets du mécanisme ne devraient pas présenter de sérieux inconvénients environnementaux non liés à l'effet de serre. Il s'ensuit qu'un projet qui serait bénéfique pour le climat ne devrait pas être nécessairement éligible, regardé comme contribuant de facto au développement durable. Dans le contexte du MDD, on devrait remettre en débat la question de l'éligibilité des projets nucléaires, des projets hydroélectriques ou encore des projets au charbon propre, donc avec captage et stockage du dioxyde de carbone dans les formations géologiques, puisque ces projets ont un caractère durable pour le moins controversé. Dans la seconde problématique à laquelle s'est heurté le MDP, concerne l'inégale distribution des projets d'activité. On a parlé d'inéquité sur ce plan parce qu'elle est vraiment frappante. Les zones Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes accueillent la quasi-totalité des projets du MDP et, au passage, la Chine à elle seule, près de 80%. Alors que l'Afrique, elle, a été pratiquement exclue du MDP. Alors comment l'expliquer? Tout simplement parce que l'attractivité des projets tient à deux choses. Elle tient d'abord au niveau des missions actuelles et au niveau tendanciel des pays hôtes. Pour le dire plus simplement, plus un pays pollue ou va se développer, va polluer, plus les réductions d'émissions sur ce territoire sont rentables. Par ailleurs, l'attractivité des projets tient aussi à l'existence de capacités institutionnelles et des infrastructures nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions, notamment de sécurité, les activités du MDP. Il est inévitable dans ce contexte que les projets se soient concentrés dans les pays qui présentaient ce type de profil. Alors, comme l'a souligné le conseil exécutif du MDP, je le cite, le MDP est régi par les lois du marché et le secteur privé gravitera naturellement vers les lieux d'implantation et de projets à faible risque et à fort potentiel. Le caractère universel du MDD n'exclut en rien la répétition d'une telle situation, même si, comme je l'indiquais tout à l'heure, il permettra, ce qui est tout à fait nouveau, des projets sud-sud. Alors pourquoi ça ne prémunit pas d'une répartition à nouveau inéquitable des projets? Tout simplement parce que cette répartition, elle ne tient pas à la bipolarisation qui existait dans le cadre du MDP, puisque dans le cadre du MDP, les pays hôtes étaient forcément des pays en développement et les pays investisseurs forcément des pays annexes. Cette répartition inéquitable, elle tient tout simplement à la nature économique du mécanisme. Alors, des correctifs ont été adoptés, de nombreux correctifs, je ne vais pas en faire la liste ici, je renvoie là aussi à ma contribution écrite, pour équilibrer la localisation des projets, mais pour autant la répartition géographique des projets n'a pas été vraiment sensiblement modifiée. Alors, parmi ces correctifs, on peut en citer un qui est particulièrement intéressant, qui est le programme de prêt à taux nul pour permettre le financement des coûts de réalisation, des descriptifs de projets et des coûts de validation et de vérification des activités. Il faut savoir que l'immense majorité des conventions de prêt ont été conclues avec des pays d'Afrique. Donc le correctif a fonctionné sur ce point-là. Cela étant, la faiblesse actuelle du prix de l'URSS, que j'indiquais tout à l'heure, hein, 50 centimes d'euros, pose de sérieux problèmes. Et de ce fait, près de la moitié des projets ont cessé de donner lieu à la délivrance d'URSS. Il s'ensuit que les fonds qui ont été décaissés ne pourront pas être remboursés et ils vont être passés par perte et profit. La crise actuelle du MDP est si grave que le conseil exécutif cherche à le recycler, tout à fait dans la démarche de faire du neuf avec du vieux, recycler l'instrument donc, en listant les options envisageables pour utiliser le mécanisme pour un développement propre à d'autres fins. On peut, de ce fait, mesurer les limites d'un instrument de coopération intéressé fondé sur le marché et par suite dépendant des conditions du marché. Il y a là une autre leçon à tirer de l'expérience du MDP, principale sans doute. Merci de votre attention. Merci, vous nous avez très bien montré que ce mécanisme, c'est un mécanisme évolutif en réalité. Malgré le nom qui a l'air de désigner quelque chose de statique, c'est quelque chose d'évolutif et qu'il faudra ajuster en permanence à travers la logique qui est à la fois la logique du marché, la logique de la protection de l'écosystème. Donc c'est très illustratif. Alors, est-ce qu'on a... On peut ouvrir une discussion pendant 10 minutes. On a déjà beaucoup de retard, donc poser des questions très brèves, en précisant peut-être...